L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Avec notre nouvel invité, ou nos nouveaux invités, car ils sont deux, Nicolas Struve, metteur en scène, et Stéphanie Schwarzbrod, comédienne, que nous avions rencontrée récemment dans une autre création, à l'apostrophe, sacré, sucré, salé, j'ai bien dit. Nous allons parler du spectacle à découvrir au cours de la saison 2016-2017, à l'apostrophe. La création est en cours, si j'ai bien compris. À nos enfants, Train fantôme, c'est un sous-titre ou c'est du définitif ? Non, c'est un sous-titre définitif. Alors, pas facile à prendre cet objet théâtral, vous allez nous y aider. Je crois d'abord, dans les notes d'intention, qu'il est question de faire théâtre de l'ordinaire des vies et plus précisément de la vie de famille. Donc, il va y avoir à la fois des histoires, des rapports, des relations, de la vie ordinaire avec des gens ordinaires côté adulte, et la même chose pour les enfants. Oui, oui, il va y avoir des gens ordinaires. Ils sont quatre. À la seule nuance près que personne n'est ordinaire. Donc, les gens ordinaires sont pas ordinaires. Il y a peut-être un film qui s'appelait comme ça. Les gens ordinaires sont extraordinaires. Voilà, je trouve qu'on parle peu de des gens qui n'ont pas des histoires soit dramatiques, soit des histoires au contraire de grande réussite, des gens qui essayent de vivre au quotidien, de transmettre ce qu'ils peuvent à leurs enfants, de vivre, je sais pas moi, des mots idiots comme dignement, honnêtement, et en même temps joyeusement, cherchent le bonheur comme ils peuvent, comme on peut tous, quoi, c'est-à-dire avec des jours ça marche, puis des jours ça marche pas. Et oui, une très grande envie de parler de nous, en fait, quoi, de la plupart d'entre nous. Et la seule chose, c'est que faut essayer d'en parler justement de façon pas toujours totalement ordinaire. C'est un réalisme un peu enchanté parfois, parfois un peu cauchemardesque, un réalisme rêveur, rêvé, avec des échappées. Comme on en connaît tous dans nos vies, des moments comme ça, de fugaces, où brusquement on s'échappe vers quelque chose, un ailleurs. Alors c'est vrai, quand on dit vie ordinaire, ça pourrait laisser croire que s'il ne se passe rien dans la vie de chacun. Or, même quand on n'est pas forcément des êtres extraordinaires, il n'empêche que la vie ordinaire est faite d'une multitude de choses. Est-ce que malgré tout, c'est des solitudes aussi qui s'expriment dans la vie quotidienne de chacun de ces personnages ? Ben, faut savoir si on est seul, par exemple, quand on est en couple, si on est seul quand on a des enfants. Alors, pour parents, on l'est quand même. Il y a des choses qu'on ne partage même pas avec soi-même, par exemple. On ne se connaît pas entièrement. Donc, il y a des solitudes, mais en fait, ça n'insiste pas tellement sur cette idée de solitude. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Enfin, bien sûr qu'il y a des... On peut être seul. Il m'est arrivé d'être seul des soirs de Noël, par exemple. Il y a des solitudes douloureuses. Mais fondamentalement, je ne crois pas qu'on est seul. On est lié profondément, mystérieusement parfois, de manière incompréhensible aux autres. Et finalement, c'est ce lien-là que je cherche. C'est un lien qui est quelque chose, une sorte d'affectivité générale et généralisée qui nous lie tous. C'est un philosophe s'appelle Clément Rosset, ça fait un peu sérieux, qui, dans un livre sur un autre philosophe, qui s'appelle Schopenhauer, résumait comme ça la position de cet autre philosophe en disant que nos pensées sont profondément déterminées affectivement et qu'on est tous profondément déterminés affectivement. Et moi, je suis à la recherche de cette émotion fondamentale qui fait qu'à un moment donné, on s'est dressé, quoi. Qu'à un moment donné, sans mauvais jeu de mots, quoique, qu'à un moment donné, ben, la vie existe, la vie dure et se perpétue. Et c'est quelque chose qui nous lie tous. J'en suis intimement persuadé. Alors, des fois, ça tourne au cauchemar, ça tourne à la haine. On le sait, la haine est d'une violence et d'une force terrible. Mais entre des peuples, entre des pays, entre des enfants, entre des couples, entre des voisins. Mais elle est d'autant plus forte qu'il y a un lien profond, fondamentalement. Quelque chose qui fait que les hommes ne peuvent pas se séparer les uns des autres. Alors, pour rendre compte de ces histoires de vie, ce deux couples, Junon et Jean, d'un côté, avec leurs enfants, deuxième couple, René et Daisy, et leurs enfants, donc chacun, effectivement, avec des univers différents, mais qui sont, se croisent, s'entrecroisent. Je crois qu'ils ont un moment de partage, en tout cas, un fil conducteur, la préparation d'une fête au village. Et quelle fête au village ? Oui, ils sont quatre, ils sont quand même en vacances ensemble. Ils ont d'un côté trois enfants, de l'autre deux. Et puis, comme ça arrive, les couples ont décidé de partir en vacances. Et puis, voilà, ça parle, ça bavarde, ça discute, ça vit toutes sortes de choses. Et puis, oui, il y a un moment un peu comme ça, un peu enchanté, un peu foufou, qui est le fait que le maire du village leur a proposé, pour une raison qu'on ne sait pas, qui n'est pas très importante, pour le moment en tout cas, de participer à la fête du village en faisant un spectacle. Ce sera le spectacle des Parisiens ou des gens de la région parisienne qui sont venus en vacances. Et donc, ils cherchent quel spectacle ils vont faire. Donc, ils ont plusieurs idées, faire un spectacle salace, parce qu'il y en a un qui dit qu'il y en a marre de la réaction morale, d'autres qui disent non, on va faire un cabaret, il y en a qui veulent jouer Tartuffe, donc à un moment donné on entend Tartuffe parce qu'ils répètent, ils essaient de répéter Tartuffe, et puis ils vont finalement s'arrêter sur une espèce de conte un peu fantastique, l'histoire d'un petit garçon qui sera jeté dans l'eau et puis récupéré par un poisson doré qui voudrait essayer de lui donner des pouvoirs magiques, voilà. Le train fantôme, parce que quand j'ai annoncé le titre à nos enfants, train fantôme, et c'est la question qui était posée sur est-ce un sous-titre ou pas, il est question dans votre spectacle de mélanger différentes disciplines, le théâtre, la chanson, le cinéma, c'est un peu ça, ces différentes disciplines artistiques qui viennent rendre compte de la vie de chacun. Alors oui, l'idée de Train Fantôme est venue de l'idée de la fête foraine. C'est-à-dire, j'avais un peu envie d'un spectacle qui soit... En fait, c'était plus le Grand 8, mais je trouvais que Train Fantôme, c'était plus beau. Dans le Grand 8, on est balancé ici, à droite, à gauche. Et dans le Train Fantôme, c'est pareil. On est dans la petite voiture, on avance. D'un seul coup, il y a une main qui surgit. Il y a des surprises permanentes. Alors, c'était l'idée de cette bousculade du Train Fantôme. Et puis, en fait, en y réfléchissant, je me disais quand même, Fantôme, c'est pas complètement anodin, Fantôme. Et je me suis dit qu'au fond, c'était aussi un spectacle qui essayait de parler de ce que c'était que de la transmission. Enfin, qu'est-ce que c'était aujourd'hui dans un monde qui passe son temps à parler d'originalité et il faut se faire soi-même et qu'est-ce qui se passe entre les parents et les enfants? Et voilà. Et ce soir, par exemple, c'était la présentation de la saison. Je regardais comme ça, je savais les questions que Jean-Joël allait me poser parce qu'on avait répété. Et je me disais, mais j'ai pas du temps de répondre. En fait, j'ai pas osé le faire. Mais en fait, j'avais envie de dire, Jean-Joël, je vais pas répondre à ta question. Ce soir, j'ai envie de parler de ma mère. Parce qu'il y a des mères dans un de nos enfants. Et j'aurais parlé un peu de ma mère, qui était une personne très, très singulière, courageuse. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous concerne. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces fantômes? Espérons que c'est des fantômes bienveillants. Je vais venir à vous, Stéphanie. Je reprends une citation de vous, Nicolas Struve. En toute existence se mêlent le poétique et le trivial, la farce et le drame, l'angoisse et la tendresse, et quelque chose de plus qui donnera au spectacle cette distance qui transforme le réalisme en art, pour aider aussi à saisir votre démarche artistique. Stéphanie Schwarzbrod, quel est le rôle que vous interprétez dans cette pièce et le regard en tant que comédienne que vous portez sur bien cette création? Alors, en fait, moi, je joue Junon, donc une des femmes, une des deux femmes. Et c'est une femme qui justement a envie de filmer son été, de filmer la mère, ses enfants, qui probablement a une maladie importante, mais c'est un peu, elle est dans une parenthèse, elle n'a encore rien dit, et elle est un peu comme ça dans un suspens. Et là où je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure, c'est ce spectacle parle aussi de son rapport à l'enfance, enfin c'est à nos enfants, c'est aussi par rapport à le rapport qu'a chacun à la mémoire enchantée ou non de son enfance et de tout ce qui nous reste. Voilà. Et donc, comment je m'inscris, c'est vrai qu'au départ, on l'a quand même écrit ensemble. Après, Nicolas a beaucoup tout retravaillé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où le travail a commencé ensemble. Et ça, c'était très agréable, du coup. Ça reste, parce qu'on a parlé un peu sur un ton grave, c'est une comédie ou c'est pas une tragédie? Non, c'est pas une tragédie. Non, c'est un train fantôme. C'est-à-dire qu'on va rigoler pendant 2 minutes et puis brusquement, il va y avoir un événement un peu troublant et puis quelqu'un va chanter et puis de nouveau, on va rire un peu. Et c'est vraiment... Alors, cette vieille définition du théâtre qui est... oui, c'est toutes les émotions en essayant de passer du rire aux larmes et des larmes au rire. Non, ce qui me paraît fondamental quand même, c'est que on sait tous que le monde n'est pas en grande forme, qu'il y a de la perturbation, de la crise, et puis qu'il y a des gens qui s'en prennent plein la figure, et parfois nous. Mais ça, on le sait quelque part. Et je me dis, en tout cas, bon, alors pour faire encore un peu un télo comme ça, il y a un philosophe, je sais, c'est Deleuze, qui dit que finalement, être triste, enfin, il y a des gens qui aiment bien qu'on soit triste. Parce que quand on est triste, ben, on n'agit plus. Parce qu'on est un peu déprimé. Et ben, c'est pas un spectacle qui vise à ça. C'est un spectacle qui vise plutôt à nous soulever, à nous électriser, à nous, il y aura du rock'n'roll, à nous secouer. Et c'est plutôt un spectacle gay. Et en fait, je voudrais parler de la comédie. Moi, à un moment donné, j'ai dû monter Tartuffe. Puis il y a toujours l'histoire de cette fin. C'est une pièce terrible où tout se termine très mal, etc. Puis brusquement, à la fin, c'est une famille. Elle est finie par être chassée de la maison. La fille manque de se suicider. Enfin bon, il est question de Tartuffe dans la pièce, d'ailleurs. Et à la fin, brusquement, arrive l'envoyé du roi qui rétablit tout et qui rétablit la famille dans son titre de propriété, etc. Bref, tout se termine bien. C'est la comédie. Et puis, il y a plein d'interprétations là-dessus. Les gens disent « Ah, c'est pour faire plaisir au roi, c'est un geste politique, etc. » Mais moi, je crois pas seulement. Je crois que si Molière fait qu'à un moment donné, Tartuffe se termine bien, c'est parce qu'il sait que c'est pas la peine de désespérer le monde, quoi. C'est pas la peine de désespérer son public. Il en fait partie, d'ailleurs, parce que comme tout bon metteur en scène, il est son premier spectateur. Et ben non, voilà, il faut un peu... Ça va mal, mais ça peut aller, voilà. Si j'ai bien compris, d'ailleurs c'est dit dans les présentations de votre spectacle, on peut imaginer à la fois l'enfer, le purgatoire, mais aussi le paradis. Oui, parce que le paradis, ça existe, parce qu'on a quand même... Il y a un très beau film de Jacques Rosier. Il y a un très beau film de Jacques Rosier qui s'appelle « Mène Océan ». Alors c'est des gens très improbables, il y a une danseuse brésilienne, il y a 2 contrôleurs, il y a un marin pêcheur, un avocat, un producteur de musique, enfin un truc totalement loufoque. Et tout ce beau monde, c'est... termine le film, qui est une sorte d'errance, termine le film à l'île Dieu, je me semble. Et là, il y a une espèce de fête où ils dansent la samba et ils boivent et c'est formidable. Voilà. Merci Nicolas Struve, merci Stéphanie Schwarzbrod pour ce spectacle qui sera donc à l'affiche de cette nouvelle saison à l'Apostrophe, saison 2016-2017, en coproduction d'ailleurs avec l'Apostrophe, à nos enfants, Train Fantôme. Et au moment de sa présentation, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne de radio locale. Merci à vous.